Et un réservoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous entendrons ce matin le dernier cours que Jacques Bouvresse, titulaire de la chaire Philosophie du langage et de la connaissance au Collège de France, a consacré cette année à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie. Gödel, ce génial mathématicien qui, jeune homme encore, mit au point les théorèmes qui portent son nom, ce grand logicien et philosophe qui réouvre et poursuit les travaux de Cantor, fut aussi un immense philosophe. Gödel lui-même a d'ailleurs toujours affirmé que ses découvertes en mathématiques étaient liées à ses positions conceptuelles. C'est sur ce nuage entre son travail de mathématicien et de philosophe que Jacques Bouvresse a travaillé l'an dernier, cette année, et travaillera également l'an prochain, tant son matériel est dense. Hier, Jacques Bouvresse a abordé les relations étranges que le platonisme de Gödel entretient avec un réalisme fort et un idéalisme transcendantal. C'est dans la pensée de Husserl que Gödel trouvera un point d'appui. Pourquoi Husserl? C'est à répondre à cette question que Jacques Bouvresse consacre son dernier cours. Peut-il exister une doctrine philosophique qui permettrait de combiner de façon harmonieuse ces deux idées? Savoir l'idée d'une réalité, en l'occurrence la réalité mathématique, idée constructiviste que cette réalité, la réalité mathématique, est constituée par nous, au sens husserlien du terme constitué, donc le résultat d'une activité de constitution de la conscience, et l'idée platonicienne que cette réalité, en même temps, en quelque sorte, est en même temps là, indépendamment de nous. Donc est-ce qu'il est possible de concilier ces deux idées à première vue passablement antithétiques, et est-ce que la phénoménologie transcendantale réussit à le faire? Alors, Felsdahl fait allusion ici à la déclaration de Gödel selon laquelle la phénoménologie husserlienne a réussi pour la première fois à faire échapper l'héritage du kantisme aux deux dangers qui la menaçaient. Donc il y avait, selon Gödel, deux dangers auxquels le kantisme était exposé, et auquel la phénoménologie husserlienne lui permet d'échapper. Voici ce qu'il dit, c'est Gödel qui parle, donc elle, c'est-à-dire la phénoménologie transcendantale, elle évite tout à fait dans le sens de Kant, aussi bien les mêmes salto mortale de l'idéalisme dans une nouvelle métaphysique, donc elle évite aussi bien le saut mortel de l'idéalisme dans une nouvelle métaphysique que le refus positiviste de toute métaphysique. Mais si déjà le Kant compris incorrectement a conduit à autant de choses intéressantes dans la philosophie et indirectement également dans la science, que ne doit-on pas sur ce point attendre du Kant correctement compris? Autrement dit, ça c'est aussi la façon à peu près constante dont Gödel perçoit la contribution de Kant, hein, elle a été de façon générale très mal comprise. Et si elle avait été comprise un peu mieux et a fortiori comprise tout à fait correctement, on aurait pu en tirer évidemment encore beaucoup plus. J'ai eu l'occasion de vous dire que du point de vue de Gödel, Husserl n'a finalement pas ajouté énormément de choses à ce que Kant avait déjà fait. Alors il y a ici un problème parce que Gödel semble par moments défendre des positions dont un idéaliste transcendantal authentique dirait probablement qu'elles s'apparentent fortement à une espèce de réalisme transcendantal ou en tout cas d'objectivisme naïf. On peut penser que c'est... L'objectivisme naïf est probablement le qualificatif que Husserl, s'il avait lu Gödel de près, aurait été tenté d'utiliser à propos du genre de position qu'il défend, en ce qui concerne le mode d'existence des objets mathématiques. Mais en même temps, donc tout en défendant ce qu'on pourrait être tenté d'appeler une forme de réalisme transcendantal, il donne l'impression de penser que ce genre de conception peut coexister sans dommage avec les intuitions fondamentales et, selon lui, correctes de l'idéalisme, plus précisément de l'idéalisme transcendantal. Il ne semble cependant pas s'être beaucoup interrogé et il ne donne pas beaucoup d'indications sur la façon dont la réconciliation peut être effectuée. Il reproche explicitement à l'idéalisme transcendantal kantien d'être équivalent à une forme de subjectivisme philosophique qu'il considère comme inacceptable et il pense que, en revanche, la version husserlienne de l'idéalisme transcendantal échappe à ce genre de grief. Vous remarquerez que c'est bien entendu aussi ce que pense Husserl lui-même. Mais Gödel ne se donne pas beaucoup de mal pour essayer de démontrer que c'est bien le cas, et plus précisément pour établir que le genre de platonisme mathématique qu'il affirme avoir professé depuis le début peut être réinterprété sans difficulté d'une façon qui le rend à peu près équivalent à une forme d'idéalisme transcendantal. Il est clair que Gödel a trouvé chez Husserl une aide précieuse pour expliciter et développer la notion d'intuition mathématique dont il était question dans le mémoire de 1947, c'est-à-dire le mémoire intitulé « Qu'est-ce que le problème du continu de Cantor ?». Donc incontestablement, il a trouvé dans Husserl une aide précieuse, comme je l'ai dit, pour développer, pour essayer de préciser et de développer cette notion d'intuition mathématique. Et un passage des Ideen de Husserl qu'il a souligné dans son exemplaire dit ceci, je cite, « Tout mode d'être, nous avons déjà dû souligner cela de bien des façons, tout mode d'être a par essence ses modes de donation et du même coup ses modes de méthode de connaissance. » Donc tout mode d'être, dit Husserl, tout mode d'être a par essence ses modes de donation corrélatifs et du même coup ses modes de méthode de connaissance. Traiter les particularités essentielles de celle-ci, donc de la méthode de connaissance, traiter les particularités essentielles de celle-ci comme des déficiences, mängel, les compter même comme s'il s'agissait de déficiences accidentelles de notre, entre guillemets, connaissance humaine, entre guillemets, est une absurdité. Husserl semble vouloir dire que le fait, si vous voulez, que certains objets dépendent pour ce qu'ils sont, hein, d'une certaine façon qui nous est donnée, qui est mise à notre disposition pour y accéder, c'est-à-dire d'une certaine façon que nous avons de les connaître, il souligne qu'il serait absurde de considérer ça comme une espèce de déficience pour les objets en question. Le fait que jusque dans leur être, ils soient liés d'une certaine façon à ce qu'il appelle des modes de donation particuliers ou à une certaine méthode de connaissance ne doit pas être considéré comme une espèce de défectuosité qui affecterait les objets en question. C'est un passage des Ideen qui, semble-t-il, avait frappé Gödel. Alors, sous l'influence de Husserl, Gödel s'est mis de toute évidence à réfléchir beaucoup plus sérieusement qu'il ne l'avait fait jusqu'alors à la façon dont les objets mathématiques peuvent nous être donnés et à la manière dont ce qu'ils sont pourrait être lié à la façon dont ils sont susceptibles de nous être donnés. Jusque-là, il avait insisté surtout sur ce qu'ils sont et en particulier sur le fait qu'ils ont une existence qui est complètement indépendante des activités et des dispositions de l'esprit connaissant. Mais, en partie sous l'influence de Husserl, donc il s'est mis, semble-t-il, tout d'un coup à réfléchir de façon beaucoup plus intense sur ce à quoi peuvent ressembler les modes de donation ou les façons d'être, les modes de connaissance ou de reconnaissance dont peut dépendre l'accès que nous avons aux objets en question. Alors évidemment, ce qui est difficile à comprendre dans cette affaire, c'est comment ce genre de questionnement sur le mode de donation, ce genre de questionnement approfondi sur le mode de donation des objets mathématiques et la façon dont leur mode d'être pourrait être lié à et être dépendant de leur mode de donation, donc il est difficile de comprendre comment ce genre de questionnement pourrait ne pas entrer à un moment donné, sinon en conflit, du moins dans une certaine tension avec le platonisme mathématique, dont le postulat fondamental semble être que la réalité mathématique a une existence qui est indépendante aussi bien de nos activités de connaissance que de nos possibilités de connaissance. Husserl dit ceci dans un passage de Logique formelle et Logique transcendantale, « Le monde, avec toutes ses réalités, entre autres aussi avec mon être réel humain, est un univers de transcendance constitué dans les vécus et les capacités de mon ego. » Donc, vous voyez, le, le monde, en particulier le monde des réalités mathématiques, doit être reconnu comme étant ce que Husserl appelle un univers de transcendance constituée. Donc ce sont des objets qui sont constitués, qui sont en même temps, qui jouissent en même temps d'une forme de transcendance par rapport aux activités de la conscience. Donc le monde, avec toutes ses réalités, entre autres aussi avec mon être réel humain, est un univers de transcendance constitué dans les vécus et les capacités de mon ego, et uniquement par leur intermédiaire, dans les vécus et les capacités de l'intersubjectivité existant pour moi, de mon ego, qui donc, en tant que subjectivité, ayant un rôle de constitution ultime, précède ce monde constitué. Donc il y a une chose qui précède ce monde, qui doit être reconnue comme étant essentiellement le résultat d'une activité de constitution, c'est l'ego constituant. L'ego en tant que subjectivité, ce que Husserl appelle l'ego en tant que subjectivité ayant un rôle de constitution ultime qui précède ce monde constitué. La transcendance du monde est transcendance en relation avec ce moi, et par l'intermédiaire de la transcendance de ce moi est en relation avec la communauté ouverte de moi en tant que communauté de ce moi. C'est dans Logique formelle, Logique transcendantale, page 336. Alors, Husserl reproche aux tentatives philosophiques qui ont été faites après Kant de n'avoir pas réussi à satisfaire ce qu'il appelle, je cite, le besoin propre d'une logique complète, donc d'une logique à double orientation. Et là, nous entrons en contact avec un aspect du problème qui semble avoir beaucoup frappé Gödel, probablement parce que jusque-là, il s'en était pas beaucoup occupé. Donc, il y a deux orientations possibles quand on s'intéresse au statut ontologique d'objets, qu'il s'agisse des objets physiques ou des objets mathématiques. Donc, il y a d'un côté une orientation possible vers l'objet, orientation exclusive vers l'objet, et puis il doit y avoir, en tout cas d'un point de vue phénoménologique, une haute orientation possible qui est l'orientation vers les activités de conscience dont l'objet en question, qui en donne naissance à l'objet en question. Alors, à propos de cette difficulté qu'on a à arriver jusqu'à l'idée d'une logique complète, c'est-à-dire d'une logique à double orientation, généralement on a affaire à une logique qui est orientation unique, hein, c'est-à-dire une logique qui est orientée uniquement, ou bien uniquement vers les activités de constitution. C'est le cas de l'intuitionnisme, par exemple, c'est l'attitude qui est adoptée par les intuitionnistes, ou bien à une logique qui est orientée uniquement, l'attitude qui est adoptée donc par les réalistes mathématiques, hein, qui est orientée exclusivement vers les objets mathématiques considérés comme ayant une existence indépendante des activités de l'esprit. Alors pourquoi est-il si difficile d'arriver jusqu'à une logique à double orientation? C'est que d'après ce dont Gödel a eu le sentiment que Husserl, lui, avait réussi à le faire. Réponse de Gödel: on n'y parvient pas parce qu'on n'a jamais, on ne s'y est jamais mis, ou qu'on n'a jamais eu le courage de saisir l'idéalité des formations. Excusez-moi, j'ai dit que c'était Gödel, mais c'est pas Gödel, c'est Husserl qui parle. On reconnaît tout de suite le style d'ailleurs. On n'y parvient pas donc parce qu'on ne s'y est jamais mis, ou qu'on n'a jamais eu le courage de saisir l'idéalité des formations logiques sous le mode d'un monde propre d'objets idéaux qui est fermé sur soi, et parce qu'on n'a jamais eu le courage conjointement de regarder en face cette question douloureuse. Notez le langage utilisé par Husserl, il parle d'une question douloureuse. Je crois que c'est une question qui peut effectivement devenir douloureuse quand on se concentre sur elle pendant un certain temps et avec une certaine intensité. Qu'est-ce que c'est que cette question douloureuse? Comment la subjectivité peut-elle créer en elle-même, en les tirant purement des sources de sa spontanéité, des formations qui peuvent valoir comme objets idéaux d'un monde idéal? Autrement dit, comment la subjectivité peut-elle créer un monde, et qui plus est, un monde qui doit être appréhendé comme ayant une existence indépendante, hein, en dépit du fait qu'il est le résultat d'une activité de constitution, qui est par essence le résultat d'une activité de constitution de la subjectivité transcendantale. Et alors, se présente ensuite comme une question d'un degré nouveau la question suivante: comment ces idéalités dans le monde culturel, qu'il faut pourtant considérer comme réelles, en tant qu'il est renfermé dans l'univers spatio-temporel, comment ces idéalités peuvent-elles admettre une existence liée par des conditions spatio-temporelles, existence sous la forme de la temporalité historique, comme c'est le cas précisément pour les théories et pour les sciences? Et là, Gödel se pose la question, Husserl, excusez-moi, se pose la question du, du mode d'existence des objets qui appartiennent à ce que Popper appelle le monde 3, hein, c'est-à-dire des choses comme les concepts, les théories scientifiques, etc., qui donnent l'impression de pouvoir être à la fois créé, ça veut dire créé historiquement, hein, susceptible d'apparaître à un moment donné, et en même temps de devoir être reconnu comme ayant d'une certaine façon toujours déjà exister de façon indépendante de notre esprit et en quelque sorte intemporel. Donc c'est là, vous voyez que Husserl est tout à fait conscient de la difficulté considérable que présente cette question. Je vous relis le passage. Comment la subjectivité peut-elle créer en elle-même, en les tirant purement des sources de sa spontanéité, des formations qui peuvent valoir comme objets idéaux d'un monde idéal? Et alors se présente ensuite, comme une question d'un degré nouveau, la question suivante: comment ces idéalités dans le monde culturel, qu'il faut pourtant considérer comme réel, en tant qu'il est renfermé dans l'univers spatio-temporel, peuvent-elles admettre une existence liée par des conditions spatio-temporelles, parce qu'on dit sur les affaires à des objets auxquels on est tenté d'attribuer à la fois une existence idéale et par conséquent intemporelle, et une existence qui est également, qui est en même temps historique. Donc, existence sous la forme de la temporalité historique, comme c'est le cas précisément pour les théories et pour les sciences. Alors, évidemment que la phénoménologie transcendantale ait eu le courage, comme Husserl le souligne, de regarder en face cette question douloureuse, pour reprendre le qualificatif qu'il utilise, c'est une chose incontestable, mais qu'elle a réussi véritablement à la résoudre, et malheureusement, en tout cas c'est l'impression que j'ai, est malheureusement moins certain. Gödel semble avoir accueilli favorablement l'idée d'une logique à double orientation. Et c'est même une des choses qui, comme je le disais il y a un instant, semble l'avoir séduit particulièrement dans la phénoménologie. Donc, et il semble même avoir estimé que l'adoption de la deuxième orientation, celle qui est dirigée vers la conscience et ses activités, plutôt que vers les objets, en l'occurrence les objets idéaux, il semble avoir pensé donc que la deuxième orientation était susceptible, le cas échéant, de conduire à des progrès importants dans la science elle-même. Mais ce dont je ne suis pas tout à fait certain, c'est qu'il se soit rendu compte que cela obligeait à sortir de la naïveté phénoménologique et de ce qu'impliquait exactement ce changement. C'est, dit Husserl, je cite, dans une recherche qui a constamment une double orientation, recherche qui se détermine tour à tour dans l'une ou l'autre orientation, que la logique doit systématiquement revenir des formations idéales à la conscience qui les constitue phénoménologiquement. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'attitude transcendantale, hein, le fait de revenir systématiquement des formations idéales à la conscience qui les constitue phénoménologiquement. Donc c'est dans une recherche qui a constamment une double orientation, recherche qui se détermine tour à tour dans l'une ou l'autre orientation, que la logique doit systématiquement revenir des formations idéales à la conscience qui les constitue idéologiquement, qu'elle doit rendre intelligibles quant à leur sens et à leurs limites ces formations en tant qu'effectuation essentielle des structures corrélatives de la vie effectuante de la connaissance, et aussi les ranger, comme toute autre objectivité en général, dans l'ensemble plus large, dans l'ensemble concret de la subjectivité transcendantale. Bon, dit de façon abrégée, ça revient à dire qu'il faut constamment revenir des formations idéales qui sont supposées préexister dans un univers, dans un monde qualifié précisément d'idéal. Il faut revenir sans cesse de ces formations idéales à la conscience qui les constitue phénoménologiquement. Alors, certains interprètes se sont demandé si Husserl n'avait pas souhaité limiter son intuition à ce qui peut être compris de façon constructive. Et si ce n'est pas finalement de celle de Brauer plutôt que de celle des réalistes mathématiques qu'il y a lieu de rapprocher sa position. C'est évidemment une idée qui peut venir de façon tout à fait naturelle à l'esprit, à savoir, puisque d'après Husserl, si on se décide à adopter résolument ce qu'il appelle la double orientation, on va se trouver forcé, donc à chaque fois qu'on a affaire à des objets idéaux, d'effectuer un retour dans la direction des activités de constitution dont elle est le résultat, des activités de constitution de la conscience, donc dont elle est le résultat, et est-ce que ça ne revient pas implicitement à adopter un point de vue constructiviste, ou en tout cas un point de vue qui semble-t-il serait beaucoup plus proche du constructivisme que du réalisme, puisque au fond le présupposé fondamental semble être que tous les objets, y compris ceux auxquels on est le plus tenté d'attribuer un mode d'existence transcendant, complètement indépendant de nos activités de connaissance, comprenez les objets mathématiques, donc puisque même ces objets-là semblent être, par essence, le produit d'une activité de constitution à laquelle nous sommes contraints à chaque fois de revenir. Ne pas le faire nous condamnerait à ce que Husserl appelle une forme d'objectivisme naïf. Il n'est par conséquent pas surprenant que certains interprètes se soient demandé assez sérieusement si, au fond, Husserl ne souhaitait pas limiter sa perception de l'univers mathématique à ce qui, par définition, peut être considéré comme étant le résultat d'une activité de construction. Donc, pour dire les choses en clair, si vous voulez, est-ce que la pente naturelle de l'idéalisme transcendantal n'aurait pas dû l'entraîner plutôt du côté de l'intuitionnisme que du côté du réalisme? Et j'ai déjà eu l'occasion de vous signaler qu'il y avait eu à l'intérieur de l'école phénoménologique, on pouvait trouver certains disciples de Husserl, en particulier Oscar Becker, qui ont fait effectivement ce genre de choix, c'est le choix de l'intuitionnisme, mais évidemment rien ne prouve que ce soit de cette façon que Husserl doit être compris. Et Gödel lui-même, dans l'esquisse d'une lettre à Giancarlo Rota, qui est datée du 7 septembre 1972, écrit ceci, je cite, « Pour ce qui concerne la réforme de la logique de Husserl, je ne crois pas qu'il avait en vue le rejet de quoi que ce soit dans la logique mathématique d'aujourd'hui, mais qu'il cherchait plutôt à la compléter et à établir ses fondements plus en profondeur. » Et là, Gödel observe de façon tout à fait justifiée qu'il n'y a pas la moindre tendance chez Husserl à proposer de sacrifier une partie quelconque ou un aspect quelconque des mathématiques classiques ou de la logique classique. Il n'y a pas de tendance, si vous voulez, révisionniste, si l'on peut dire, qui aurait pu l'entraîner plutôt du côté de l'intuitionnisme, mais il accepte donc sans difficulté la totalité des mathématiques classiques et également la logique classique. Donc, incontestablement, Gödel a raison sur ce point. On peut d'ailleurs constater que les sympathies de Husserl allaient sûrement beaucoup plus à Hilbert et aux gens de son école qu'à Brauer. Husserl a d'ailleurs participé donc au séminaire de Husserl à Göttingen. Par conséquent, s'il lui avait fallu choisir, il aurait, dans la controverse entre l'intuitionnisme hilbertien et le formalisme husserlien, il aurait certainement choisi sans hésiter Hilbert. Mais cela n'interdit pas de se poser la question de savoir si la logique du programme husserlien ne devrait pas, au moins à première vue, entraîner ceux qui y adhèrent plutôt du côté du constructivisme, c'est-à-dire du côté d'une conception comme la conception intuitionniste, plutôt que de ce côté-là, donc du côté du platonisme gödelien. Alors, je voulais encore vous citer à ce propos, dans la correspondance de Gödel, il s'agit toujours de la correspondance avec Gotthard Günther, si je ne me trompe. Il y a un échange qui porte sur cette question de savoir en quel sens les objets, comme les objets, ce que Husserl appelle les objets idéaux, par exemple les objets mathématiques, en quel sens ne sont-ils pas indépendants des activités de l'esprit. Alors c'est une question qui est horriblement difficile et je ne peux pas dire que, de façon générale, la manière dont elle est traitée par Gödel contribue de façon à clarifier les choses de façon très importante. Il y a une lettre qui lui est envoyée donc par Gotthard Günther, qui est du 19 juin 1955, et Günther lui dit ceci. Alors, il lui expose une conception d'où il résulte qu'il faut distinguer entre deux types de réflexions. C'est Günther qui parle. Il faut distinguer entre deux types de réflexions. Je cite, premièrement, la réflexion sur l'objet bona fide, qui est considéré comme quelque chose, qui est pensé comme étant quelque chose qui est éliminé, donc dès le départ, indépendant de la pensée. Donc il y a la réflexion sur un objet qui est considéré comme un objet tel qu'il se présente naïvement, si on peut dire, qui est considéré comme étant quelque chose d'indépendant de la pensée. Et puis il y a deuxièmement la réflexion sur le réfléchir au sens 1. Donc il y a la réflexion sur l'objet considéré comme indépendant de la réflexion en question, et puis il y a une réflexion de second niveau. Cette réflexion de second niveau donc est une réflexion sur la réflexion au premier sens. Il est inévitable, dit Günther, que à ces deux types de réflexion correspondent deux conceptions principalement différentes du concept objet logique. Et cette distinction n'est malheureusement pas encore effectuée dans la logique actuelle. Ah, donc, la suggestion que fait Günther, c'est que à ces deux types de réflexion, donc la réflexion sur l'objet considéré naïvement, auquel est attribuée une existence indépendante de toute espèce de la réflexion et même de toute espèce d'activité de l'esprit, et puis la réflexion sur cette réflexion au premier sens, il doit y correspondre, dit-il, deux conceptions différentes hein, de ce que c'est qu'un objet logique en général. Et c'est une distinction qui, d'après lui, n'est pas encore effectuée par la logique actuelle. Alors, Gödel n'est pas satisfait de cette façon de présenter les choses, et voici ce qu'il répond dans une lettre qui est datée du 10 août 1955, il commence donc par s'excuser d'avoir mis si longtemps à répondre. Voici ce qu'il répond. En ce qui concerne le contenu de vos deux dernières lettres, donc il répond simultanément aux deux dernières lettres de son correspondant, j'ai remarqué entre elles, pour commencer, une différence qui consiste en ceci, que dans la première, vous parlez de deux espèces différentes d'indépendance par rapport à la pensée, alors que dans la seconde, vous refusez explicitement aux objets de la réflexion de l'indépendance par rapport à la pensée. Donc il y a, dans la première des deux lettres, il est question de deux formes différentes de l'indépendance par rapport à la pensée pour un objet, tandis que dans la deuxième, il y a les objets de la réflexion au sens 2, donc c'est-à-dire la réflexion portant sur Günther appelle le réfléchir au sens 1, donc c'est à ces objets-là, donc l'indépendance par rapport à la pensée est purement et simplement refusée. Alors voici le commentaire que fait Gödel. La première chose me semble résider dans le domaine de la possibilité, c'est-à-dire il est possible qu'il faille distinguer deux espèces différentes d'indépendance par rapport à la pensée. Ça, donc, Gödel, c'est une chose que Gödel accepte. Mais, dit-il, la deuxième chose, c'est-à-dire le fait que, avec les objets de la réflexion 2, on pourrait avoir affaire à des objets qui ne possèdent pas, auxquels on est contraint de refuser l'indépendance par rapport à la pensée, Gödel n'est pas d'accord, n'est pas du tout d'accord. Il dit que cette idée, donc cette deuxième idée, lui semble être absolument incorrecte. Je ne crois pas non plus, ajoute-t-il, que la logique mathématique, ou la logique tout court, soit une réflexion sur le penser, hein, Das Denken, ce n'est pas une réflexion sur le penser, c'est tout au plus également, auch, une réflexion sur le penser, mais c'est en premier lieu une réflexion qui porte sur des objets de l'espèce la plus universelle qui sont appréhendés dans le penser. Donc là, il dit tout à fait clairement que la logique mathématique peut être aussi une réflexion sur le penser. C'est à nouveau l'idée de la double orientation dont je vous parlais il y a un instant et qui apparaît, c'est-à-dire il peut être nécessaire à partir d'un certain moment, de s'intéresser aux objets mathématiques, non pas seulement en soi, non pas seulement aux objets en eux-mêmes, mais aux objets en tant que constituant le produit d'activité, de ce que Husserl appelle des activités de constitution de la conscience. Par conséquent, ce qu'il faut dire est que la logique mathématique doit être aussi une réflexion sur le penser, mais elle ne peut pas se borner à une réflexion sur le penser. Elle est en premier lieu donc une réflexion sur, je cite à nouveau Gödel, sur certains objets de l'espèce la plus universelle qui sont appréhendés dans le penser. Et Gödel ajoute une remarque sur l'intuitionnisme. La logique intuitionniste, assurément, est une réflexion sur le penser. Donc ça, l'intuitionnisme adopte une attitude, si vous voulez, qui la situe nettement du côté de l'orientation vers le sujet, hein, et même la cantonne, et même le cantonne à cette orientation. Donc, en ce qui concerne l'intuitionnisme, on peut dire avec raison de lui qu'il est une réflexion sur le penser, et par conséquent, ces objets ne sont pas indépendants du penser. Mais, malgré tout, ils ne sont pas le moins du monde modifiés par l'acte de pensée qui s'en occupe, c'est-à-dire les objets mathématiques tels que les intuitionnistes les comprennent, hein, et tels qu'ils les traitent, ne sont pas indépendants de l'acte de pensée, il s'agit bien de l'acte de pensée, hein, Das Denken, ils ne sont pas indépendants de l'acte de pensée, mais ils ne sont malgré tout pas modifiés par l'acte de pensée qui s'en occupe, aussi peu que les objets de la physique. Donc voilà une remarque assez intéressante sur la façon dont Gödel envisage ce problème du degré d'indépendance exacte que des objets comme les objets mathématiques peuvent posséder par rapport à nos activités de pensée, si par ailleurs on admet qu'ils sont en même temps, d'une façon plus ou moins essentielle, le résultat d'activités de construction de l'esprit connaissant. Donc, il est difficile de donner une réponse catégorique à la question de savoir, en ce qui concerne Husserl, si la logique du programme husserlien, considérée en elle-même, indépendamment du choix que Husserl lui-même a fait, si cette logique n'était pas susceptible de l'entraîner plutôt du côté de l'intuitionnisme que de celui d'un réalisme à la Gödel. Alors, Tragesser, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, donc il est l'auteur d'un livre intitulé « Phénoménologie et logique », dans lequel justement il aborde d'assez près cette question des relations de Gödel avec Husserl. Il dit ceci: « Des considérations phénoménologiques promettent de fournir la meilleure compréhension du platonisme mathématique de Kurt Gödel. » Vous voyez que là, il prend position très très nettement, il donne finalement raison à Gödel dans sa conviction, il donne même très clairement raison à Gödel dans sa conviction que c'est la phénoménologie husserlienne qui fournit le cadre le plus approprié pour une compréhension correcte, pour une compréhension satisfaisante du platonisme mathématique de Kurt Gödel, et il semble qu'un parcours moins héristique vers une appréciation de la phénoménologie soit de montrer la façon dont la phénoménologie peut fournir une compréhension de cette sorte. Donc il lui semble que ça serait une façon plus intéressante que celle qu'on a adoptée généralement d'aborder la phénoménologie que d'essayer de la comprendre de cette façon. Pas seulement dans l'intérêt de Gödel et du réalisme mathématique que Gödel cherche à défendre, mais dans l'intérêt de la phénoménologie elle-même. Il pourrait y avoir intérêt à essayer de comprendre la phénoménologie de cette façon. Alors, pour expliquer ce dont il s'agit, Tragesser donne le nom de préhension, en anglais prehension, à ce qu'il appelle, je cite, une saisie inadéquate ou imparfaite de quelque chose, dans laquelle le contenu de la saisie préfigure ou indique quelque chose au-delà de ce qui est donné. La préhension est une forme d'appréhension cognitive incomplète. Alors ce terme, sous les anglais, prehension, correspond à peu près, je pense, à ce que les Allemands appellent Erfassen, la saisie. Alors ça renvoie à une situation dans laquelle, si vous voulez, on a une certaine saisie, on peut guère dire mieux, on a une certaine saisie ou une certaine appréhension d'un objet dont on sait en même temps qu'elle est très incomplète, qu'elle est imparfaite et incomplète, mais en ayant simultanément une idée de la façon dont elle pourrait être complétée, c'est-à-dire le chemin qu'on pourrait envisager d'emprunter pour essayer de la compléter. Et c'est très exactement le genre de rapport que nous avons avec le concept d'ensemble, d'après Gödel. Donc, que faut-il entendre par préhension? Préhension, c'est, encore une fois, je cite, une saisie inadéquate ou imparfaite de quelque chose, saisie dans laquelle le contenu préfigure ou indique quelque chose au-delà de ce qui est donné. La préhension est une forme d'appréhension cognitive incomplète. Fin de citation. Il n'est pas contestable que le platonisme mathématique de Gödel résulte pour une part essentielle de la constatation que nous avons une préhension, au sens indiqué, d'objets mathématiques comme les ensembles. Nous avons de ce genre d'objet ce que Gödel appelle une forme de perception dont nous sommes en mesure de reconnaître en même temps le manque de précision et le caractère incomplet. Et ce qui est important est que, comme dans le cas de la perception des objets physiques, nous avons assez souvent une idée au moins approximative des directions que nous devrions emprunter pour réussir à compléter cette perception de façon non arbitraire. Quand vous percevez un objet mathématique, vous êtes évidemment conscient du fait que vous n'en percevez, dans le meilleur des cas, que certains aspects, mais vous êtes conscient également de ce que vous pourriez faire, en particulier des mouvements que vous pourriez effectuer pour réussir, pour en percevoir d'autres aspects, pour réussir à compléter de façon non arbitraire comme dit Gödel, la perception que vous en avez. Et en ce qui concerne la relation que nous entretenons avec le concept d'ensemble, Gödel dit ceci: pour commencer, les axiomes de la théorie des ensembles ne forment en aucune façon un système fermé sur lui-même, mais bien au contraire, le concept même d'ensemble sur lequel ils reposent suggère leur extension par de nouveaux axiomes qui assertent l'existence d'itérations encore plus poussées de l'opération ensemble de. Ces axiomes peuvent être formulés également comme des propositions qui assertent l'existence de nombres cardinaux très grands. Ce que Gödel dit dans le texte que j'ai déjà cité à maintes reprises, donc qu'est-ce que le problème du continu de Cantor. Et il y a d'après lui une analogie assez étroite entre les deux situations, hein, c'est-à-dire le fait de disposer d'une certaine perception d'un objet physique dont nous savons qu'elle est incomplète, tout en ayant une idée de la façon dont il pourrait être complété. Ça c'est ce qui se passe dans le cas des objets physiques. Et bien d'après Gödel, dans le cas des objets mathématiques, nous avons en particulier du concept d'ensemble, nous avons une situation qui n'est pas fondamentalement différente. Donc les axiomes de la théorie des ensembles reflètent un certain état de notre perception de ce qu'est un ensemble, c'est notre perception du concept d'ensemble. Nous avons conscience du fait que cette perception est incomplète, et dans les cas les plus favorables, nous pouvons voir également, Gödel en tout cas est convaincu que nous pouvons avoir, et que si nous n'avons pas encore, nous aurons tôt ou tard une idée assez précise de la façon dont notre perception pourrait être améliorée et complétée. Ça correspond évidemment à l'adoption de nouveaux axiomes qui sont susceptibles d'être reconnus comme vrais et même dans le cas le plus favorable comme évident. Alors en ce qui concerne, pour en revenir à ce que dit Trageser, il y a un passage que... Dans ce livre de Trageser, donc qui s'appelle Phénoménologie et logique, n'a malheureusement pas suscité beaucoup d'intérêt au moment où il est paru. C'était, je crois, en 78. C'est un peu dommage parce que c'est une des rares tentatives qui a été faite pour essayer d'expliquer avec une, enfin de rapprocher de façon suffisamment précise et relativement convaincante le point de vue adopté par Gödel et celui de Husserl. Alors, Trageser dit ceci: supposez que nous ayons décidé d'appeler S le concept d'ensemble, Gödel peut, dit-il, être considéré comme donnant une analyse des éléments de la préhension de S, donc la préhension en deux mots au sens indiqué, de la préhension de S, et sur la base de cette analyse, nous montrons comment HC, c'est-à-dire l'hypothèse du continu, pourrait éventuellement être décidée. Donc, il nous donne une analyse des éléments qui font partie de la préhension, si vous préférez, du genre de perception relativement imprécise et incomplète que nous avons de S, c'est-à-dire du concept d'ensemble, et il s'agit d'une analyse qui est de nature à nous montrer comment, nous montrer le genre de direction qu'il faudrait emprunter pour obtenir une chance de réussir à décider HC, c'est-à-dire l'hypothèse de continu. Une telle analyse, parce qu'elle reflète fidèlement et décrit les éléments d'un acte de conscience, entre parenthèses une préhension dans ce cas, est une analyse phénoménologique. Donc l'idée c'est que Gödel effectue une analyse phénoménologique, ou en tout cas effectue une analyse qui mériterait d'être qualifiée de phénoménologique. Vous voyez là que le rapprochement du coup avec Husserl s'impose complètement. Nous pouvons voir ici, dit-il, l'importance critique d'une telle analyse, à savoir qu'elle fournit des chemins possibles vers des raisons qui sont plutôt meilleures que des raisons arbitraires pour soutenir que quelque chose est vrai d'un objet ou d'un domaine objectif considéré. Et un autre endroit, Trageser ajoute que nous avons affaire à une analyse qui est susceptible de nous montrer comment, d'une façon correcte et justifiée, nous pouvons améliorer notre appréhension d'un objet ou de ce que Husserl appelle une objectivité. Donc nous avons à la fois une perception reconnue comme incomplète d'un objet et une perception qui, lorsqu'elle est correctement analysée, une fois qu'elle a été correctement analysée, et il s'agit, comme le souligne Trageser, d'une analyse qui peut être qualifiée de phénoménologique, donc cette analyse est susceptible de nous indiquer des voies que nous pourrions envisager de suivre pour parvenir à une appréhension meilleure, plus précise de l'objet en question. Alors le rapport de ce que fait Gödel avec la phénoménologie transcendantale peut finalement être explicité de la façon que je vais indiquer. Je cite, c'est une thèse principale de Husserl, une thèse qui n'est pas dépourvue de séduction intuitive et qui s'impose avec une force considérable, qui est au moins de l'ordre de celle de la maxime pragmatiste de Peirce, que rien ne peut avoir de réalité pour nous, à moins de nous être donné d'une façon adéquate, à moins de pouvoir faire l'objet d'une expérience, au sens le plus large du mot expérience, à moins de nous être donné dans un acte de conscience. Alors là, évidemment, il s'agit d'un principe à la fois tout à fait fondamental et extraordinairement discutable, hein, qui est le principe d'après lequel, qui est supposé être celui de Husserl, d'après Travesseur, que rien ne peut avoir de réalité, entre guillemets, pour nous, à moins de nous être donné de façon adéquate, à moins de pouvoir faire l'objet d'une expérience au sens le plus large du mot expérience, de nous être donné dans un acte de conscience. Dans la mesure où un objet entre en contact avec notre conscience, dans cette mesure et seulement dans cette mesure, il aura une réalité pour nous. Là, vous remarquerez que c'est un principe qui est très fort et qui peut sembler à première vue un peu excessif et même un peu choquant, hein, c'est-à-dire un objet quelconque ne peut avoir de réalité pour nous que dans la mesure où il est capable d'entrer en contact avec notre conscience. Dans cette mesure et seulement dans cette mesure, il aura une réalité pour nous. Bien entendu, cela ne peut être rendu clair qu'en donnant une théorie de tous les actes de conscience possibles, et d'une certaine façon, les théories de cette sorte sont ce dont s'occupe principalement la phénoménologie transcendantale. Je vous ai bien reproduit le passage. Oui. Donc les théories de cette sorte, c'est-à-dire les théories des actes de conscience en particulier, plus particulièrement des actes de conscience constituants, sont ce dont s'occupe principalement la phénoménologie transcendantale. Alors on peut se demander, ça c'est une parenthèse, on peut se demander si une position de cette sorte est réellement défendable sous une forme aussi générale, c'est-à-dire un objet n'a de réalité pour nous que dans la mesure où il est capable d'entrer en contact, entre guillemets, avec notre conscience. Il n'est pas certain que les entités théoriques dont il est question, par exemple dans la physique, puissent nous être données et aient besoin de nous être données dans un acte de conscience de l'espèce appropriée. Prenez les particules fondamentales en physique, pas du tout certain qu'ils puissent leur correspondre de quelque façon que ce soit un acte de conscience qui nous permettrait d'entrer en contact avec elles. C'est probablement, on peut se poser la même question, je pense, à propos d'un bon nombre d'objets mathématiques. Il se pourrait, après tout, que pour reprendre la distinction que fait Bertrand Russell, il se pourrait que un bon nombre d'objets auxquels nous avons affaire dans les sciences, hein, dans les théories scientifiques, ne puissent être connus par contact direct, en l'occurrence par contact direct avec la conscience, c'est-à-dire by acquaintance, comme dit Russell, mais seulement par description, c'est-à-dire à travers ce qui nous est dit d'elle, précisément, dans la théorie. Hein, il est possible que, dans bien des cas, que pour un bon nombre d'objets, des objets théoriques d'un certain degré d'abstraction en particulier, nous ne serions pas du tout en mesure d'entrer en contact avec eux de façon directe par une activité de conscience, mais qu'ils ne puissent être connus que sur le mode de ce que Bertrand Russell appelle la connaissance par description. Pour prendre un exemple, si vous voulez, supposez que quelqu'un définisse l'ensemble des entiers naturels comme étant, selon une définition bien connue, le plus petit ensemble ou l'intersection de tous les ensembles qui contiennent zéro et qui, toutes les fois qu'ils contiennent un nombre, contiennent son successeur. Bon, on peut considérer que ça vous met de la façon la plus indiscutable qui soit en contact avec un objet, d'une certaine sorte, et d'une manière telle que vous savez parfaitement de quel objet il s'agit. Mais ça n'implique pas nécessairement que vous soyez doté du même coup de la possibilité d'entrer en contact direct avec cet objet par l'intermédiaire d'une activité de conscience. Hein, je veux dire qu'il se peut que pour un bon nombre d'objets théoriques, nous n'ayons pas, il ne soit pas possible d'obtenir ce que Husserl considère comme l'idéal, hein, auquel on devrait essayer de satisfaire dans tous les cas. C'est-à-dire, rappelez-vous qu'il dit que dans la mesure où un objet entre en contact, enfin il dit plus exactement, c'est Tragesser qui lui fait dire, hein, dans la mesure où un objet entre en contact avec notre conscience, dans cette mesure et seulement dans cette mesure, il aura une réalité pour nous. Alors, ce que j'étais en train de me demander, c'est en quel sens on peut dire que les ensembles transfinis ou que les particules élémentaires de la physique, en quel sens peut-on dire d'objets de cette sorte qui sont susceptibles d'entrer en contact avec notre conscience. J'ai quelques doutes sur ce point. Bien des mathématiciens seraient sans doute sceptiques sur la possibilité de mettre en relation l'existence d'objets comme les ensembles transfinis avec des actes de conscience déterminés. Je pense en particulier à Poincaré, parce qu'il concerne, il n'a strictement aucune intuition concernant les ensembles transfinis. Il n'est pas le seul. Hein, il n'est pas le seul à dire des choses de ce genre. Et ça ne constitue pas nécessairement une certaine façon de refuser d'entendre parler des ensembles transfinis. Hein, on peut tout à fait penser qu'ils sont, pour autant qu'ils soient connus, ils le sont. Ils doivent l'être et ne peuvent l'être que d'une autre manière. Alors ce qu'il faut remarquer en outre, c'est qu'il n'a été question jusqu'à présent que des conditions auxquelles les objets peuvent être dits exister pour nous, et non de la question cruciale. Parce que, si vous voulez, on peut, jusqu'à maintenant, ce qui a été dit, c'est un objet n'existe que pour nous, que à la condition qu'il soit susceptible d'entrer en contact avec notre conscience. Donc il s'agit en principe uniquement, jusqu'à maintenant, des conditions auxquelles les objets, sont, en particulier les objets mathématiques, donc sont susceptibles d'exister pour nous. Mais la question cruciale, c'est évidemment de savoir si l'on peut ou non parler des objets comme existants préalablement en soi, dans un monde qui est indépendant de nos activités de conscience. Et sur ce point, Tragesser dit ceci, « En vertu des analyses de Husserl, nous sommes justifiés à asserter que X est véritablement, si et seulement si nous pouvons découvrir comme correspondant de façon intrinsèque à X, une catégorie d'évidence possible, une catégorie d'actes de conscience adéquats, capable de présenter X avec une complétude croissante. Autrement dit, X peut avoir une réalité, entre guillemets, pour nous, peut-être devrait-on ajouter une réalité cognitive, seulement dans la mesure où X est présenté adéquatement, et dans la mesure où nous pouvons voir clairement comment nous pourrions continuer à expérimenter plus complètement sur X, et à réfléchir sur lui. Voilà la réponse qu'il donnait aux conditions dans lesquelles nous sommes autorisés à dire d'un objet qu'il existe véritablement. Il existe véritablement si corrélativement à cet objet, il existe ce que Tragesser appelle une catégorie d'évidence possible, autrement dit une catégorie d'actes de conscience qui sont capables de nous présenter le dit objet avec une complétude croissante, c'est-à-dire à chacun des stades de la préhension, nous avons conscience du fait que celle-ci est et reste incomplète, mais nous pouvons espérer avoir disposé en même temps d'une certaine appréhension simultanée, hein, des conditions auxquelles la préhension que nous en avons pourrait être rendue plus précise. Autrement dit, je cite à nouveau Tragesser, X peut avoir une réalité pour nous, peut-être devrait-on ajouter une réalité cognitive, seulement dans la mesure où X est présenté adéquatement et dans la mesure où nous pouvons voir clairement comment nous pourrions continuer à expérimenter plus complètement sur X et à réfléchir sur lui, c'est-à-dire nous pouvons voir clairement, dans la mesure où nous pouvons voir clairement comment nous pouvons espérer réussir à augmenter notre connaissance, la connaissance que nous avons, à augmenter et à améliorer la connaissance que nous avons de l'objet. Mais vous remarquerez que là, il est question de la réalité cognitive de l'objet et il n'y a aucune réponse directe n'est donnée à la question de savoir si nous sommes autorisés en outre à supposer que des objets de cette sorte peuvent exister de façon complètement indépendante de nos activités de conscience, et de nos activités de connaissance en général, ce qui est en principe la position que défendent les gens qui sont des réalistes mathématiques au sens fort. Donc la question n'est pas uniquement de savoir comment les objets mathématiques peuvent acquérir une réalité et une existence pour nous. On comprend facilement ce que Gödel a pu trouver séduisant et prometteur dans la démarche de Husserl. D'une part, elle constitue un renfort philosophique précieux pour quelqu'un qui, comme lui, cherche à défendre contre les représentants du point de vue formaliste positiviste ce que l'on peut appeler la thèse de l'inéliminabilité du contenu et celle corrélative de l'inéliminabilité du recours à l'intuition dans les mathématiques. Et là, incontestablement, Gödel a trouvé une aide, un appui très précieux dans la phénoménologie transcendantale. En effet, ce genre de conception philosophique va absolument dans le sens d'une défense de ce qu'il appelle l'inéliminabilité du contenu et qui a pour corrélat inévitable l'inéliminabilité du recours à l'intuition qui nous permet d'appréhender le contenu en question. La phénoménologie transcendantale constitue également une arme très efficace contre la menace du conventionnalisme qui constitue à bien des égards la hantise de Gödel. C'est sûrement une des positions en philosophie des mathématiques qu'il exècre particulièrement. Et là aussi, évidemment, il a de son côté Husserl dans sa critique et son rejet catégorique du conventionnalisme. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Jacques Bouvresse. Présentation Christine Goéné, réalisation Jeanne Cherquefosse. Thank you.